Le devisement du monde. Livre 2, chapitre 41. De la province d'Artsiadam. En sortant de la province de Karayam, après avoir marché pendant 5 jours, nous trouvons la province d'Artsiadam, ou pays des dents d'or, qui est aussi sujette du Grand Khan. La capitale s'appelle Unchiam, Yuchan. Les habitants se servent de l'or au poids dans le commerce, car on ne trouve point d'argent dans ce pays-là, non plus que dans les pays voisins. Ceux qui en apportent, d'ailleurs, le troquent contre de l'or et gagnent beaucoup. Ils boivent une boisson faite de riz et de parfum. Les hommes et les femmes de ce pays-là se couvrent les dents de lames d'or fort délicates, en sorte qu'on dirait qu'ils ont naturellement les dents d'or. Les hommes sont exercés à la guerre, ne s'adonnant qu'à cela ou à la chasse des bêtes sauvages et des oiseaux, et les femmes gardent la maison et s'attachent à leur ménage, ayant des esclaves pour les servir. C'est aussi une coutume pour ce pays-là que lorsqu'une femme a enfanté, elle doit quitter le lit le plus tôt qu'elle peut pour vaquer au gouvernement de la maison. Et pendant ce temps-là, le mari se met au lit l'espace de 40 jours pour avoir soin du nouveau-né. Car la femme ne fait autre chose à l'enfant que de lui donner le sein, et les parents ou amis viennent rendre visite au mari, quoiqu'il ne soit pas venu voir la femme. Il n'y a point d'idole dans cette province, sinon que chaque famille adore le premier de la race. Ils font leur demeure la plupart dans les montagnes ou dans des lieux déserts. Les étrangers n'approchent point de leurs montagnes parce qu'ils ne sont point accoutumés à l'air qui y règne et qui est fort corrompu. Ils n'ont point l'usage de l'écriture, mais ils se servent pour faire leurs obligations d'une certaine marque dont les débiteurs et les créanciers gardent chacun la moitié, qu'ils rejoignent ensemble suivant certains indices pour preuve de la vérité de la chose. Il n'y a point de médecin en cette province, non plus que dans celle de Kaniklou et de Kariam. Mais lorsqu'il y a quelques malades, ils assemblent les magiciens ou ministres des idoles, et le malade leur expose sa maladie. Après cela, les magiciens font une danse et sonnent de certains instruments et invoquent leur dieu en criant à tue-tête jusqu'à ce qu'enfin un de la troupe des sauteurs et des joueurs soit inspiré du démon. La cérémonie finie, ils consultent le malade sur ce qu'il ressent et demandent au démon comment cette maladie est arrivée au patient et ce qu'il faut faire pour le guérir. Le démon répond par la bouche du malade que c'est parce qu'il a fait telle ou telle chose, comme, par exemple, pour avoir offensé tel dieu, que cette maladie lui est survenue. Alors, les magiciens prient ce dieu de lui pardonner, promettant au nom du malade que s'il recouvre la santé, il fera un sacrifice de son propre sang. Si le démon voit que le malade soit d'une nature qu'il ne puisse pas guérir, il a coutume de répondre « Celui-là a si grièvement offensé ce dieu qu'il ne saurait l'apaiser par aucun sacrifice. » Mais s'il doit en réchapper, ils ordonnent au malade d'offrir tant de béliers à tête noire, ou telle boisson, ou bien qu'il invite des magiciens avec leurs femmes pour offrir par leurs mains ces sacrifices, et qu'alors il sera agréable aux dieux. D'abord, les parents et les amis ont soin de faire préparer ce que le démon a ordonné. Ils tuent des béliers et en jettent le sang en l'air vers le ciel, et ayant fait appeler des mages avec leurs femmes, ils allument beaucoup de lumière et brûlent de l'encens par toute la maison. Ils brûlent du bois d'aloès et jettent le jus des viandes en l'air, de même qu'une boisson faite de parfum. Cela étant achevé, ils se mettent de nouveau à chanter dans l'assemblée en l'honneur de l'idole galienne, médicale, ce que le malade prend pour la cause de sa guérison. Mais ils crient si horriblement en chantant qu'on dirait qu'ils vont s'égosiller. Cela étant fait, ils interrogent de nouveau le magicien pour savoir si l'idole est contente. S'il répond que non, ils se disposent à faire ce qui leur sera ordonné pour l'apaiser. S'il répond que l'idole est satisfaite, alors les enchanteurs et les magiciens se mettent à table et mangent en grande joie les viandes qui ont été sacrifiées à l'idole et boivent les boissons qu'on lui a consacrées. Après que le repas est fini, chacun s'en retourne chez soi. Et quand le malade a reçu la santé par la grâce du Dieu puissant, ces misérables aveugles en rendent des actions de grâce aux démons. Chapitre 42. Durant combat entre les Tartares et le roi de Mian. L'an de notre Seigneur 1272, il y eut une grande guerre à cause du royaume de Karaïam, dont nous avons parlé au chapitre précédent, et du royaume de Boutiam. Car le grand Khan envoya un des principaux de sa cour, nommé Neskordim, avec 12 000 cavaliers, pour mettre à couvert la province de Karaïam de toute insulte. Ce Neskordim était un homme vaillant et prudent, et il avait de bons soldats bien aguerris. Les rois de Mian, la Birmanie actuelle, et de Bangala, Bengale, sur ces nouvelles, furent fort épouvantés, croyant que cette armée venait pour envahir leur royaume, et ramassèrent leurs troupes, qui se montaient tant en cavalerie qu'en infanterie, à environ 60 000 hommes et 2 000 éléphants. Ils campèrent de cette manière, ayant mis 12 ou 15 hommes bien armés dans un certain château, et le roi de Mian s'avança avec son armée vers la ville de Voxia, où était l'armée des Tartares, et campa dans les campagnes alentour pendant 3 jours, ne se méfiant de rien. Neskordim, ayant appris qu'il venait une si grande armée contre lui, eut grand-peur. Mais il dissimula sa crainte, se reposant sur ce que sa petite armée était composée de vaillants guerriers. Étant donc sorti courageusement pour présenter le combat à l'ennemi, il se campa près d'une grande forêt qui était remplie de très grands arbres, n'ignorant pas que les éléphants avec les châteaux qu'ils portent sur leur dos ne pourraient pas venir l'incommoder là. Alors, le roi de Mian apprit que les Tartares paraissaient résolus d'aller à leur rencontre. Mais les chevaux des Tartares, sentant les éléphants qui étaient à l'avant-garde de l'armée de Neskordim, furent si épouvantés qu'il fut impossible par quelque moyen que ce fût de les mener du côté des éléphants, de sorte que les Tartares furent obligés de mettre pied à terre et de les attacher aux arbres du pays, de venir à pied combattre les éléphants. Et parce que les soldats du premier rang de l'armée de Neskordim avaient tous des machines à jeter des pierres, et qu'ils étaient bons arbalétriers, ils firent une si grande décharge de flèches sur l'ennemi, que les éléphants se sentant blessés, et par la douleur de leurs blessures, se mirent en fuite et se retirèrent dans le bois avec beaucoup de vitesse. Les conducteurs, s'efforçant de les faire tourner contre les ennemis, ne purent en venir à bout, car ils se dispersèrent çà et là. Et, étant entrés dans le bois prochain, ils rompirent les fortifications du camp et chassèrent les gens qui les défendaient. Ce que voyant, les Tartares coururent à leurs chevaux et, étant montés dessus, se jetèrent sur le camp du roi avec beaucoup de fureur et d'impétuosité. Le combat fut sanglant et il tomba beaucoup de soldats de part et d'autre. Le roi de Mian fut enfin mis en fuite avec les siens, et les Tartares, les poursuivants, en tuèrent encore beaucoup et obtinrent une entière victoire. Les Tartares, après cela, firent leurs efforts pour prendre les éléphants qui étaient dans le bois. Mais, comme ils se mirent à fuir, ils n'en auraient pris aucun si quelques-uns des gens qu'ils avaient fait prisonniers dans la bataille ne les avaient aidés. Ce qui fit qu'ils en prirent environ 200. C'est depuis ce combat que le grand Khan commença à se servir des éléphants dans ses armées, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'alors. Le grand Khan réduisit peu de temps après le pays du roi de Mian sous sa domination. Chapitre 43. D'un certain pays sauvage. En sortant de la province des Karaïam, on vient à une descente qui dure près de 3 jours et où il n'y a aucune habitation, quoiqu'il y ait un lieu fort étendu dans lequel, 3 jours de la semaine, les marchands tiennent une espèce de foire de toutes sortes de marchandises. Il en vient beaucoup qui descendent des montagnes de ce pays-là et qui apportent de l'or qu'ils échangent contre de l'argent, donnant une once d'or pour 5 onces d'argent, ce qui fait que plusieurs viennent de divers endroits qui apportent de l'argent pour avoir de l'or. Personne des étrangers ne peut monter sur ces hautes montagnes qui portent l'or, car le chemin est si raboteux et si difficile qu'on se perdrait plutôt soi-même que d'y trouver aucun habitant. Après cela, on vient dans la province de Mian, qui est frontière de l'Inde du côté du Midi. Cette province est fort sauvage et remplie de forêts et de bois, où il y a un nombre infini d'éléphants et autres bêtes sauvages. Mais il n'y a point là d'habitation d'hommes. Chapitre 44. De la ville de Mienne et du tombeau du roi. À 15 journées de chemin, on vient à la ville que l'on appelle Mienne, aujourd'hui Taïkoum, qui est grande et belle. C'est la capitale du royaume du même nom. Elle est sujette du grand khan. Les habitants sont idolâtres et parlent une langue particulière. Il y a eu en cette ville un roi fort riche, lequel, étant près de mourir, se fit faire un tombeau dont je vais donner la description. Il fit bâtir une tour de marbre de la hauteur de 10 pas et épaisse à proportion. À chaque coin du mausolée étaient des tours rondes, par en haut, et couvertes d'or partout. Sur le sommet de ces tours, on devait mettre plusieurs petites cloches d'or qui devaient sonner par le souffle du vent. On devait couvrir une autre tour d'argent et mettre sur le sommet des cloches d'argent qui devaient aussi rendre un certain son par la seule agitation du vent. Il fit bâtir ce tombeau pour immortaliser son nom et sa mémoire dans le monde. Le grand khan, ayant subjugué la province de Mienne, défendit d'endommager ce tombeau qui était fait à l'honneur de son nom, car c'est une coutume observée parmi les Tartares de ne point troubler le repos des morts. Il y a dans cette province beaucoup d'éléphants, des bœufs sauvages, qui sont grands et beaux, des cerfs, des daims et plusieurs autres bêtes sauvages. Chapitre 45. De la province de Bengala. La province de Bengala, Bengale, est frontière au midi de celle de l'Inde. Le grand khan ne l'avait pas encore subjugué lorsque j'étais à sa cour, mais il avait envoyé une armée pour cela. Le pays a un roi et un langage particulier. Tous les habitants sont idolâtres. Ils vivent de viande, de riz et de lait. Ils ont de la soie en grande quantité et on en fait beaucoup de trafic. Il y a aussi des épices, du gingembre et du sucre en abondance, de même que diverses sortes de parfums. Il y a encore de grands bœufs qui égalent en grosseur les éléphants, mais non pas en grandeur. Il y a en cette province beaucoup de Slaves que les Indiens viennent quérir pour les vendre en divers pays. Chapitre 46. De la province de Kanjigu. Après la sudite province et avançant vers l'Orient, on trouve celle de Kanjigu, qui a aussi son roi et une langue particulière. Ses habitants sont idolâtres et tributaires du grand khan. Leur roi a environ 300 femmes. On trouve beaucoup d'or dans cette province et beaucoup de parfums, mais on ne peut pas les transporter aisément, parce que ce pays-là est fort éloigné de la mer. Il y a aussi beaucoup d'éléphants et de grandes chasses de toutes sortes de bêtes sauvages. Les habitants vivent de chair, de lait et de riz. Ils n'ont point de vin. Mais ils font une boisson de riz et d'aromates qui est fort bonne. Les hommes et les femmes ont coutume de se peindre avec des couleurs, le visage, le cou, les mains, le ventre et les jambes, représentant des lions, des dragons et des oiseaux. Ils les graffent si profondément qu'il est très difficile de les effacer. Et plus ils ont de ces gravures, plus on les trouve beaux ou belles. Chapitre 47. De la province d'Amu. La province d'Amu est située à l'Orient et sujette au Grand Khan. Les habitants sont idolâtres et ont une langue particulière. Ils ont beaucoup de troupeaux de toutes sortes d'animaux et ils ont en abondance tout ce qui est nécessaire à la vie de très bons chevaux que les négociants mènent dans l'Inde. Ils ont aussi des chevreaux et des bœufs en quantité parce que les pâturages y sont excellents. Les hommes et les femmes portent à leurs bras des bracelets d'or et d'argent de grand prix. Chapitre 48. De la province de Tolomane. La province de Tolomane est éloignée de celle d'Amu de 8 journées du côté de l'Orient, et sujet du grand khan, ayant un langage particulier et adorant les idoles. Les hommes et les femmes sont fort bien faits, quoiqu'ils aient le teint brun. La terre est très fertile. On y voit plusieurs châteaux et des villes très fortes. Les hommes sont exercés aux armes et accoutumés à la guerre. Ils brûlent les corps des morts, ils enterrent les cendres et les os dans des cavernes sur des montagnes pour qu'ils ne soient point foulés aux pieds des hommes ni des bêtes. Il y a beaucoup d'or, ils se servent pour monnaie des coquillages que l'on trouve dans la mer. Chapitre 49 De la ville de Jingui. De la province de Toloman, en allant vers l'Orient, on rencontre celle de Jingui, Kuichu, et l'on marche pendant 12 jours le long d'une rivière jusqu'à ce que l'on trouve une grande ville nommée Fungul. Elle est sujette du Grand Khan de même que tout le pays. Les habitants sont adonnés au culte des idoles. On fabrique en cette province de belles étoffes d'écorce d'arbres dont on fait des habits d'été. Il y a des lions en quantité, en sorte que personne n'oserait sortir la nuit hors de sa maison, car ils déchirent et dévorent tous ceux qu'ils rencontrent. Les navires qui montent et descendent sur la rivière ne sont point attachés au rivage à cause de ces lions. Mais ils se tiennent à l'ancre, au milieu. Autrement, les lions viendraient pendant la nuit et entreraient dans les vaisseaux et mangeraient tout ce qu'ils y trouveraient et en vie. Quoique ces lions soient grands et féroces, il y a cependant dans le pays des chiens si forts et si hardis qu'ils ne craignent point de les attaquer, et il arrive souvent qu'un homme à cheval, avec son arc et 2 chiens, détruit un de ces lions. Car lorsque les chiens sentent le lion, ils courent sur lui en aboyant. Surtout lorsqu'ils se voient soutenus du secours de l'homme, ils mordent le lion au derrière et à la queue. Et quoique le lion les menace de ses griffes, se tournant de côté et d'autre pour les attraper et les déchirer, les chiens s'en donnent de garde et n'en sont pas aisément blessés. Car, pendant qu'il est occupé des chiens, le cavalier prend son temps pour lui décocher une flèche. Cependant, le lion s'enfuit, craignant que l'aboiement des chiens ne fasse venir d'autres chiens et d'autres hommes sur lui. Et lorsqu'il peut trouver un arbre, il se met à couvert derrière, comme dans un fort, et, se tournant du côté des chiens, il se défend de toute sa force contre eux. Le cavalier, s'approchant de lui, tire encore des flèches jusqu'à ce qu'il soit mort. Le lion ne voit pas les coups qui lui sont tirés jusqu'à ce qu'enfin il tombe. Le pays abonde en soie que les marchands transportent en diverses provinces. Chapitre 50 Les villes de Kakusu, de Kanglu et de Siangli. Après la province de Jingui, on trouve plusieurs villes et châteaux, et après qu'on ait fait 4 journées de chemin, on rencontre la très belle ville de Kakusu, au Kiamfu, qui est de la province de Katé, située au midi et abondante en soie, dont l'on fait de belles étoffes et des toiles mêlées d'or. À 3 journées de cette ville, du côté du midi, on trouve une autre grande ville, nommée Kanglu, Changlu, qui abonde en sel, car le terrain est fort salineux. Voici comment ils tirent le sel. Ils amassent la terre en monceaux, où ils versent de l'eau pour attirer en bas l'humeur salée de la terre. Puis, ils tirent cette eau une seconde fois sur cette élévation de terre et la cuisent devant le feu jusqu'à ce qu'elle soit tout à fait coagulée et réduite en masse de sel. 5 journées par-delà la ville de Kanglu, on trouve encore une autre ville nommée Siangli, Toinan, au travers de laquelle passe une grande rivière, très commode pour l'abord des vaisseaux chargés de marchandises. Il se tient là une foire considérable. Chapitre 51 Les villes de Kudinfu et de Singuimatu. En avançant plus avant vers le midi, on trouve, à 6 journées de là, une grande ville nommée Kudinfu, qui a eu autrefois son roi, avant qu'elle fût réduite sous la domination du Grand Khan. Elle a 40 autres villes dans sa dépendance, qui ont toutes de beaux plantages. En continuant d'aller vers le midi, après avoir fait 3 journées de chemin, on rencontre une autre ville remarquable nommée Singuimatu, près de laquelle coule une grande rivière menant du côté du midi, que les habitants ont partagée en 2 bras, l'un qui va à l'orient vers Manji, et l'autre, à l'occident, vers Katé. Il vient par ces 2 ruisseaux un nombre infini de petits bateaux chargés de marchandises. De Singuimatou, si vous faites 12 journées vers le midi, vous trouvez continuellement des villages où l'on tient beaucoup de foires. Les habitants de ce pays-là sont idolâtres et obéissent au Grand Khan. Chapitre 52. Du grand fleuve Karomoran et des villes Konigangui et Kaigui. En suivant le premier chemin dont nous avons parlé, on rencontre un grand fleuve nommé Karomoran, que l'on dit prendre sa source dans le royaume du grand prêtre Jean. Il est large d'un mille et si profond qu'il porte les plus grands navires. Il est aussi fort poissonneux. Non loin de l'embouchure de ce fleuve, et à l'endroit où ça décharge dans l'océan, il y a bien 15 000 navires formant une flotte que le Grand Khan entretient là afin d'être toujours en état de mener une armée dans les îles de la mer qui sont de sa domination, au cas qu'il en soit besoin. Parmi ces vaisseaux, il y en a de si grands qu'ils peuvent porter 15 chevaux et autant d'hommes pour les monter, sans compter les vivres et le fourrage nécessaires pour les uns et les autres. Il y a, outre cela, environ 20 matelots dans chaque navire. Tout près de l'endroit où se tient cette flotte, il y a deux villes bâties sur le rivage, dont l'une s'appelle Konigangui et l'autre Kaigui. Après avoir traversé ce fleuve, on entre dans la province de Manji, dont nous allons parler. Chapitre 53. De la promesse de Manji et de la piété et de la justice du roi. La province de Manji a eu un roi nommé Fakfour qui était riche et puissant et, excepté le grand Khan, il n'y en avait pas de plus grand que lui dans tous ces pays-là. Son royaume était bien fortifié, il le croyait inexpugnable. Il ne craignait point les irruptions de ses voisins, ce qui fit que ce roi et ses peuples tombèrent dans la mollesse et dans la nonchalance par trop de présomption. Les villes étaient munies de larges fossés pleins d'eau. Il manquait de chevaux, parce qu'il croyait n'avoir rien à craindre, ce qui faisait que le roi vivait dans de continuelles délices. Il entretenait environ 1 000 parasites et il avait une nombreuse garde. Il exerçait cependant la justice, conservait la paix et aimait la miséricorde. Personne n'osait offenser son prochain ni troubler l'amitié fraternelle, autrement, il aurait été puni. Il régnait dans ce royaume-là une si grande concorde que les artisans laissaient souvent leurs boutiques ouvertes pendant la nuit, sans crainte des voleurs. Les voyageurs et les étrangers pouvaient aller le jour et la nuit par tout le royaume sans rien craindre. Le roi était pieux et bienfaisant envers les pauvres, il secourait tous ceux qui étaient dans l'indigence. C'est pourquoi il avait soin de faire recueillir tous les enfants trouvés, qui se montaient quelquefois, dans une seule année, jusqu'à 20 000. Il les faisait nourrir à ses dépens. Car, en ce pays-là, les pauvres femmes abandonnent communément leurs enfants afin que quelqu'un les prenne et les nourrisse. Le roi, cependant, donne des enfants trouvés aux riches de son royaume pour en avoir soin, principalement à ceux qui n'en ont point, et il leur ordonne d'adopter ceux-là. À l'égard de ceux qu'il nourrit à ses dépens, il les marie ensemble et leur donne de quoi vivre. Chapitre 54. De quelle manière Bayian, général de l'armée du Grand Khan, réduit la province de Manji sous la puissance de son maître. L'an de notre Seigneur 1268, le grand Khan Kubilai, convoitant la province de Manji, s'en rendit le maître de la façon que nous allons dire. Il envoya une grande armée, composée de cavalerie et d'infanterie, dont il donna le commandement à Bantan Chinsan, lequel nom signifie « lumière à 100 yeux ». Celui-ci, en entrant dans la province de Manji, commença par assiéger la ville de Konigangui, et l'assomma de se soumettre à l'obéissance de l'empereur son maître. Mais, les habitants ayant refusé de le faire, il se retira sans avoir fait aucun dommage, et alla faire la même sommation à une seconde ville. Celle-ci refusant, comme l'autre, il alla à une troisième, et de là à une quatrième, et à une cinquième, ayant été refusé partout. Mais, étant venu à la sixième ville, il assiégea avec beaucoup de hardiesse et l'emporta. Après quoi, il en fit autant des autres, en sorte qu'en fort peu de temps, il en soumit une douzaine, car son armée était composée de vaillants guerriers. Le grand khan lui envoya une autre armée qui ne cédait en rien à la première, ce qui jeta une grande épouvante dans le cœur des habitants de Manji et qui leur fit perdre courage. Or, Bai Yan fit marcher son armée vers la capitale nommée Quinsai et où le roi de Manji tenait sa cour. Le roi, voyant l'audace et le courage des Tartares, fut dans une extrême peur et se retira avec une grande suite dans de certaines îles inexpugnables, ayant mené avec lui environ 1000 navires et laissant à la reine sa femme, en qui il avait beaucoup de confiance, le soin de défendre la ville de Quinsai. La reine se comporta avec un courage au-dessus de son sexe et n'oublia rien de tout ce qu'elle crut nécessaire pour la défense de la ville. Et, ayant entendu que le général de l'armée tartare s'appelait Bai Yan Chinsan, ou Sans Yeux, elle en fut fort étonnée, et son courage commença à se ralentir, surtout ayant été informée par ses astrologues et les magiciens que la ville de Quinsai ne serait jamais prise que par un homme à Sans Yeux. Et parce qu'il semblait contre nature qu'un homme pût avoir Sans Yeux, et que le nom de ce général devait signifier le pronostic, elle le manda et lui remit volontairement la ville et le royaume, ne voulant pas davantage résister au destin. Ce que les habitants de la ville et du royaume ayant appris, ils se soumirent aussitôt au grand khan, excepté une seule ville, nommée Sanissou, laquelle ne put être soumise en 3 ans. La reine alla se rendre à la cour du grand khan, qui la reçut avec beaucoup d'honneur. Le roi, son mari, demeura dans ces îles où il acheva le reste de sa vie. Chapitre 55 de la ville de Konigangui. La première ville qui se présente à ceux qui vont dans la province de Manji s'appelle Konigangui. Elle est grande et considérable par ses richesses. Elle est bâtie sur le fleuve de Karamoran. Il y a là des vaisseaux en quantité. On fait aussi là beaucoup de sel, en sorte que 40 villes en reçoivent leurs provisions, de quoi les grands khans tirent un grand profit. Les habitants de cette ville et des lieux circonvoisins sont idolâtres et brûlent les corps morts. Chapitre 56. Les villes de Panchi et de Chaïn. Par-delà la ville de Konigangui, après une journée de chemin allant vers le septentrion, on trouve la ville de Panchi. Paoying, grande, belle et bien marchande. Elle abonde en soie et en toutes choses nécessaires à la vie. La monnaie du Grand Khan accourt dans cette ville. Le chemin qui mène de Konigangui à Panchi est pavé de belles pierres, à droite et à gauche. Il n'y en a point d'autre pour entrer dans la province de Manji. De cette ville de Panchi jusqu'à Chaïn, Paoyiu, il y a une journée de chemin. C'est aussi une belle ville. Il y a quantité de poissons, de bêtes fauves et d'oiseaux pour la chasse. Chapitre 57 de la ville de Tingui. À une journée de là, on vient à la ville de Tingui, Chuchiu, Tungchiu, qui, quoiqu'elle ne soit pas fort grande, a cependant en abondance toutes les choses nécessaires à la vie. Car il y a ici beaucoup de vaisseaux, vu qu'elle n'est pas loin de l'océan. Dans l'intervalle de cette ville à la mer, il y a plusieurs salines auprès desquelles cette ville est bâtie. En sortant de Tingui, à une journée de chemin, en allant vers le septentrion, on trouve une fort belle ville nommée Zengui, Yanchiu, située dans le plus beau pays du monde et qui a 27 autres villes sous sa dépendance. Et moi, Marco, j'ai commandé dans cette ville pendant 3 ans par ordre du grand khan. Chapitre 58. Comment la ville de Xianfu fut prise par ma chaîne. À l'Occident, il y a un pays nommé Nangui, Gan ou Nganqin, qui est riche et agréable, où l'on fait une grande quantité d'étoffes de soie et or. Il y a aussi du froment en abondance. La ville principale de ce pays-là se nomme Xianfu, Xiangyang. Elle a 12 autres villes qui sont de sa dépendance. Cette ville a été assiégée pendant 3 ans par les Tartares, sans qu'ils aient pu la prendre, pendant que toute la province de Manji fut subjuguée, car elle est entourée de tous côtés de marais, en sorte que l'on en saurait approcher, sinon du côté du septentrion. Car, pendant que les Tartares l'assiégeaient, les assiégés recevaient continuellement des vivres et autres rafraîchissements par la mer, ce qui chagrinait beaucoup le grand Khan. Ce fut en ce temps-là que j'allai à la cour du dit empereur avec mon père et mon oncle. Et nous lui donnâmes un conseil pour prendre en peu de temps cette ville par l'usage de certaines machines dont l'usage n'était pas connu en ce pays. Ayant approuvé notre conseil, nous fîmes faire, par des charpentiers chrétiens, trois machines si grandes qu'elles jetaient des pierres de 300 livres pesant. Après en avoir fait l'épreuve, le roi les fit mettre sur des vaisseaux et les envoya à son armée. Ils les dressèrent devant la ville de Sianfu et commencèrent à les faire jouer avec tant d'impétuosité contre la ville que la première pierre étant tombée sur une maison, l'écrasa presque entièrement. Les Tartares, ayant vu l'effet de ces machines, en furent fort étonnés. Mais ceux de la ville, voyant le danger où ils se trouvaient, vu qu'ils n'étaient plus en sûreté dans leur maison ni sous leurs murailles, capitulèrent et se rendirent au Grand Khan pour éviter une ruine totale. Chapitre 59. De la ville de Singui et d'une grande rivière. On compte 15 milles de la ville de Sianfu à celle de Singui, qui, quoiqu'elle ne soit pas grande, possède néanmoins un grand nombre de vaisseaux. Elle est bâtie sur le bord d'une très grande rivière, telle qu'il n'y en a point de pareil dans le monde, nommée Kuiam, le fleuve Kiang. Elle est large en quelques endroits de 10 milles, en d'autres de 8 et en d'autres de 6, et sa longueur est de 100 journées de chemin. Il y a sur ce fleuve quantité de vaisseaux qui vont et viennent en si grande quantité que l'on dirait qu'en tout le monde, on n'en pourrait pas trouver un si grand nombre. Il y a dans cette ville une foire très célèbre où l'on amène des marchandises de toutes sortes d'endroits par le moyen de cette rivière. Il y a environ 200 autres villes sur le bord de cette rivière, car elle arrose 16 provinces et il n'y a pas une de ces provinces qui n'ait au moins 1000 navires. Les plus grands vaisseaux de ces pays-là sont couverts d'un seul pont et chaque navire n'a qu'un mât pour mettre voile. Ils ne se servent point de cordes, de chambres, si ce n'est pour le mât et les voiles. Mais ils font les manœuvres et les autres cordes du grand roseau, bambou, dont on tire ordinairement les vaisseaux sur le fleuve. Ils coupent ces roseaux, qui peuvent avoir 15 pas de long, et ramassant les débris de ces roseaux, ils les tordent et en font des cordes très longues dont quelques-unes sont de 300 pas de long. Et ces manœuvres sont plus fortes que les cordes de chanvre même. Chapitre 60. De la ville de Kaigui. La ville de Kaigui, Kuachiu, est une petite ville bâtie sur le rivage de la rivière, vers le sud-est, dont nous avons parlé. Il croit dans son terroir une si grande provision de blé et de riz qu'on en apporte jusqu'à la cour du Grand Khan. Car il y a plusieurs lacs que le Grand Khan a fait réunir et qui donnent un passage convenable à des bateaux qui vont et qui viennent, quoique souvent plusieurs vaisseaux y doivent charger et porter du froment par toute la terre, jusqu'à un autre lac où il y a d'autres navires pour les décharger et qui vont plus loin. Il y a, auprès de la ville de Kaigui, une certaine ville bâtie au milieu de la rivière où l'on voit un monastère rempli de moines qui servent les idoles. Et c'est le principal monastère de tous ceux qui s'adonnent au service des idoles.